Là, c'est la photo de mon anniversaire. J'avais 12 ans. Oh, mon premier flirt au bal du 14 juillet. La photo de mon mariage. Celle-là, c'était en mars, au dîner des anciens. Forcément, un jour, tout s'arrête. Ne laissez pas mourir vos convictions. Quand vous faites un leg à Médecins du Monde, votre engagement continue. Et là, c'est le docteur qui me soigne. Lui, c'est mon cousin Babou. Lui aussi, on le soigne. Médecins du Monde, léguez-nous vos volontés. Demandez votre brochure sur leg.medecinsdumonde.org. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. C'est le personnage d'une jeune femme exaltée qui épouse un mari un peu desséché, un homme vivant dans l'érudition, mais l'érudition pour elle-même, sans y insuffler de vie, pas plus qu'il n'en insuffle d'ailleurs dans son mariage. Tel est le point de départ du grand roman de George Eliot, Middlemarch, qui fut un événement littéraire quand il parut dans les années 1871-1872 en feuilleton. Son autrice n'en était pas à son premier livre, et Le Moulin sur la Flosse, qui figure à présent avec Middlemarch dans la Pléiade, avait déjà connu un grand retentissement en Angleterre et au-delà. Marcel Proust, quand il avait découvert l'ouvrage, avait même affirmé que deux pages de ce roman suffisaient à le faire pleurer. Nous en parlons donc cette semaine avec notamment mercredi l'universitaire Georges Letissier qui nous livrera son analyse de ses romans. Nous l'interrogerons sur la science dans les livres d'Eliot, mais également sur le réalisme victorien, courant dont elle fait partie, ainsi que sur ses rapports avec un autre grand auteur de l'époque, Charles Dickens. Nous aurons également le plaisir de recevoir demain Alain Jumeau qui a présenté l'œuvre d'Eliot dans la Pléiade au sein d'un volume où l'on peut donc également lire deux essais de l'histoire. Historienne Mona Ozouf, dont je signale également le livre « L'autre Georges » disponible dans le livre de poche chez Folio et qui fait notamment le parallèle entre George Eliot et George Sand. Qu'en est-il d'aujourd'hui ? Bien aujourd'hui, en introduction à notre semaine, nous vous proposons comme de coutume de poser quelques jalons de la vie de George Eliot grâce à vous, Stéphanie Richer-Drouet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Lille, spécialiste de la littérature victorienne, et votre thèse portait sur la question du regard dans la fiction de George Eliot, mais on devrait peut-être dire la question des regards. Des regards, oui, vous avez raison. C'est une personnalité très complexe et c'est quelqu'un qui, de ce fait, va choisir de s'attacher à démontrer la complexité de l'homme sous toutes ses facettes, et donc elle va choisir, plutôt que d'avoir un point de vue unique sur l'homme, elle va plutôt préférer la multiplicité des points de vue. Et donc c'était un sujet très très riche à envisager. C'est ça qu'on retrouve un petit peu dans toute son œuvre. On retrouve cela dans toute son œuvre. On retrouve cette multiplicité des regards, des points de vue. Rien n'est jamais figé. Tout est mouvant. Rien n'est dogmatique. Et donc c'est pour cela aussi que c'est très riche et très complexe et très intéressant et très beau. Et on va voir que cette manière de voir, elle tient peut-être en partie aussi à la vie qu'a eu George Eliot, qui lui a permis de voir les choses finalement sous différents aspects, pas en noir et blanc. Oui, c'est cela. Et en effet, elle a eu une vie extrêmement riche, extrêmement complexe également, et quasiment, on pourrait presque dire romanesque. Alors, on peut le dire romanesque, parce qu'il y a justement un roman qui vient de sortir, qui s'appelle Une passion pour George Eliot. On le doit ce roman à Cathy O'Shaughnessy, traduit de l'anglais, par Pierre Guglielmina. Et on s'est basé, disons-le tout de suite aux auditeurs, un petit peu sur ce roman pour aussi bâtir cette émission. L'apparition de ce livre fait donc penser que, justement, c'est une vie qui pourrait être un roman, la vie de George Eliot. Oui, puisque ici, Cathy O'Shaughnessy prend comme point de départ des lettres, des journaux de George Eliot, et elle bâtit un roman, une biographie romancée à partir de ses éléments de vie. Alors elle s'engouffre peut-être aussi dans des zones d'ombre qui n'ont pas encore été explorées. Est-ce qu'on peut faire confiance, selon vous, à ce qui est dit quand même globalement dans ce livre ? Oui, globalement, oui, je pense. On verra peut-être dans les détails qu'il y a des choses qui ont peut-être été plus ou moins imaginées ou plus ou moins comblées, notamment peut-être le dernier épisode qui est tout de même très présent dans ce roman, c'est l'épisode de la rencontre avec Johnny Cross. Mmh. Il faut dire aussi que ce roman, c'est des allers-retours avec le 21e siècle. C'est ça. Parce qu'il y a une espèce de mise en abîme. Oui, il y a une mise en abîme. On a également en parallèle se met en place une intrigue contemporaine, un trio d'universitaires dont on va suivre les relations interpersonnelles. Et d'ailleurs, Cathy O'Shaughnessy développe beaucoup cet aspect des relations interpersonnelles de l'écrivaine avec ses différents amis, son compagnon. C'est plutôt cet aspect-là qui l'intéresse. Alors, c'était sans doute l'une des plus grandes romancières de l'ère victorienne. Peut-être qu'en France, c'est un nom qu'on connaît finalement assez mal. Est-ce que vous diriez que c'est la plus grande romancière de ce moment-là ? C'est sans aucun doute la grande romancière de la deuxième partie du 19e siècle. On la connaît, le grand public la connaît sans doute moins que des auteurs comme Dickens ou peut-être que les sœurs Brontë ont plus eu d'écho dans le grand public. Elle a été oubliée notamment au début du 20e siècle. Mais elle est quand même encore, elle est très très connue dans le milieu universitaire, elle est étudiée. Middlemarch est au programme de l'agrégation cette année et l'était déjà l'année dernière. Donc c'est toujours un auteur qui est très étudié et qui fascine encore et qu'on redécouvre peut-être aujourd'hui. Et des romans comme celui-ci, comme celui de Cathy O'Shaughnessy, permettent également au grand public de la découvrir ou de la redécouvrir. On va raconter, donc je l'ai dit, un petit peu sa vie, même si je crois qu'elle pensait que c'était quelque chose d'un petit peu stupide finalement, de raconter la vie. Elle faisait partie des gens qui considèrent que la biographie, ça n'est pas important. Oui, elle se moquait des gens qui voulaient raconter à tout prix, publier leur biographie. Ouais. Mais elle a tout de même une vie qui vaut la peine qu'on s'y attache. Oui, alors peut-être d'abord parce que c'est une femme qu'on pourrait qualifier de femme de caractère. Enfin, c'est un terme un petit peu... C'est une femme qui est pétrie de paradoxes. Elle est à la fois très déterminée, elle est à la fois consciente de sa valeur intellectuelle, de ses capacités intellectuelles. Elle l'entend s'affirmer sur la scène littéraire. Et en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement vulnérable. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir des gestes de se rebeller et de s'enfuir. Et en même temps, elle est très fragile. Elle est d'une timidité maladive. Elle est sujette à des migraines qui la dévastent. Elle manque de confiance en elle. Elle a besoin toujours d'être encouragée. Et son compagnon, Louis, va servir aussi à avoir cette fonction de protection. Et d'encouragement, et d'encouragement littéraire, parce que il va l'aider finalement. C'est lui, exactement, c'est lui qui va la pousser à écrire, à lui donner confiance pour qu'elle écrive ses premières nouvelles d'abord et son premier roman ensuite. Elle a écrit son premier roman, elle avait 37 ans. Donc elle n'est pas jeune, c'est pas une jeune romancière. Elle a commencé à écrire véritablement de la fiction à 37 ans, ce qui signifie qu'elle a eu une vie auparavant. Elle a fait beaucoup de choses, elle a eu des années de formation très riches. Et puis il faut dire évidemment qu'être une femme, ça rend les choses bien plus difficiles. Notamment, on retrouve assez fréquemment des remarques sur son physique. Alors il faut parler de son physique. Son physique. Oui, il semblerait, d'après les échos qu'on ait pu en avoir, il semblerait qu'elle n'ait pas eu un physique très très très très avantageux, un physique plutôt ingrat, des traits assez lourds, qui ne l'ont pas aidé à trouver un mari, sans doute, alors que c'était une étape essentielle pour une jeune fille au 19e siècle. Elle a été repoussée par le philosophe Spencer, à cause de cela. D'ailleurs, elle était tombée amoureuse de ce philosophe et il l'a repoussée sous prétexte qu'elle manquait de beauté. Mais elle exerçait tout de même une fascination sur son auditoire, sur les personnes qui venaient la voir, ses invités. Toutes les personnes qui l'ont rencontrée ont insisté sur sa voix, apparemment fascinante, et sur son regard également. Mais voilà, c'était quelqu'un qui avait un physique plutôt ingrat. Alors, plain, ça n'a pas dû être facile, parce que même sa mère disait d'elle que c'était une fille biscornue, brune, olivâtre. Oui, c'est pas très charmant de la part d'une maman. On va retrouver des traits de ce physique un peu ingrat dans certaines de ses héroïnes, hein, dans ses romans, soit des personnages qui ont un physique ingrat, hein, ou bien un trait distinctif qui les met un peu à l'écart, justement, vous mm-hmm. voyez. Et alors Virginia Woolf, qui était évidemment attentive à ces questions-là, à la manière dont les critiques hommes regardaient les quelques romancières femmes, a relevé que on trouvait son physique bien souvent désagréable et que on le soulignait. Oui, mmh. Oui. Oui, voilà. Bon, tout ça contribue à construire une personnalité très riche, et elle a peut-être dû aussi se construire un masque, un écran, une façade pour pouvoir justement s'affirmer dans cette société. Alors, je vous propose d'écouter justement un extrait de ce texte de Virginia Woolf dont je parlais à l'instant. On n'échappe pas à la conviction que le long visage épais à l'expression de force sérieuse, morose et presque chevaline, s'est inscrit de façon déprimante dans l'esprit des gens qui se souviennent de George Eliot, de telle sorte qu'il surgit sous leurs yeux des pages de ses livres. Monsieur Gosse l'a récemment décrite telle qu'il la vit parcourant les rues de Londres en Victoria. Une grosse sibylle trapue, rêveuse et immobile, dont les traits massifs, un peu rébarbatifs quand on la voyait de profil, étaient encadrés de façon incongrue par un chapeau, toujours à la dernière mode de Paris, qui à cette époque comprenait en général une immense plume d'autruche. Dans le roman, où se révèle tant la personnalité, l'absence de charme crée une grave lacune. Et les critiques de George Eliot, presque tous du sexe opposé naturellement, se sont irrités de façon sans doute à demi consciente de son manque d'une qualité tenue pour suprêmement désirable chez les femmes. George Eliot n'était pas charmante, elle n'était pas très féminine, elle ne possédait aucune de ces excentricités et de ces irrégularités de caractère qui donnent à tant d'artistes la séduisante simplicité des enfants. Mais si nous examinons ces portraits de plus près, nous verrons que ce sont tous des portraits d'une femme célèbre d'âge mûr, vêtue de satin noir, sortant en Victoria, une femme qui a achevé son combat et en est ressortie avec un profond désir de se rendre utile à autrui, mais sans rechercher d'intimité, sauf avec le petit cercle qu'il avait connu au temps de sa jeunesse. Ce texte qui date de 1919, paru dans le Times Literary Supplement, lu ici par Manuela Morgan. Alors c'est vrai qu'on a dit aussi qu'elle faisait beaucoup plus que son âge, et qu'à 13 ans, elle paraissait en avoir 25. C'est évidemment encore une fois assez cruel comme notation, mais ça nous emmène vers la jeunesse, vers l'enfance de George Eliot. D'ailleurs, le roman dont on parlait, le roman biographique de Cathy O'Shaughnessy, passe plus ou moins sous silence toute la part d'enfance d'Eliot, mais nous on va en parler un petit peu parce que c'est notre rôle. Alors il faut dire d'abord que c'est la plus jeune d'une fratrie de 5 enfants, hein, c'est ça Stéphanie Richedreau? Oui, c'est la plus jeune, c'est la petite dernière, hein, c'est la plus jeune d'une fratrie de 5 enfants. Son père, elle est issue d'un second mariage, d'un remariage de son père. Hein. Et elle a notamment, donc c'est la petite dernière, et elle a notamment un frère aîné qui s'appelle Isaac, et qu'elle vénère, elle l'adule, son frère. On va retrouver ce frère d'ailleurs sous les traits de Tom Tullivan dans Le Moulin sur la Flosse, et c'est une relation très, à la fois très très très spéciale, très proche, mais assez cruelle également. Et le personnage de Isaac est absent du roman de O'Shaughnessy, mais il est présent en arrière-plan parce que son frère va renier George Eliot, enfin Marianne, puisqu'on va expliquer sans doute que c'est son nom de plume. Il va la renier et c'est quelque chose qui va être extrêmement douloureux pour George Eliot. Oui, on va en parler évidemment. Donc elle naît dans une ferme du Warwickshire, dont le père est administrateur de domaine. Qu'est-ce que ça donne ça comme milieu social? C'est un milieu relativement modeste, mais où on ne manque de rien. Elle naît, son père est en effet le régisseur du domaine d'un riche propriétaire terrien. Et elle naît dans le cœur de l'Angleterre. Elle naît dans les Midlands, au cœur de l'Angleterre. Et c'est un milieu qu'elle affectionne et qu'elle va toujours porter dans son cœur tout au long de ses romans. Elle va choisir, pour la plupart de ses romans, elle va choisir cet arrière, ce fond. C'est quelqu'un qui est extrêmement attaché à la mémoire, aux racines, à l'enfance. Et elle est très marquée par son environnement, par l'environnement de son enfance. C'est un milieu rural, au cœur de l'Angleterre. Mais c'est pas le milieu de la gentry, comme chez Jane Austen. Non. C'est, comme le disait Virginia Woolf, la petite fille d'un menuisier, ce qui rend son ascension encore plus remarquable, disait voilà. Woolf. Oui. Par contre, son père, bon, vous disiez, elle est la petite dernière, son père l'aime beaucoup, et c'est ça. Petite préférée, hein, sans doute, il a un faible pour elle, et il va lui donner une bonne éducation. Alors elle va justement fréquenter diverses pensions de 1824 à 1835, et là elle fait des études assez poussées, classiques, alors latin, grec, français aussi. Latin, grec, français, allemand, c'est une enfance... Italien, ouais. C'est une main sanscrit, ensuite, par la suite, c'est une enfance surdouée. C'est peut-être pour ça, vous disiez tout à l'heure, qu'à 15 ans, elle avait l'air d'en paraître 20, peut-être est-ce dû aussi à sa précocité, à son sérieux et à son goût pour l'étude. Et elle a eu la chance d'avoir un père qui a su reconnaître son don pour l'étude et à l'encourager. Donc, comme vous dites, elle a fréquenté des pensionnats où elle a eu aussi un enseignement religieux qui va la marquer également. On en reparlera, je pense. Et elle lit beaucoup. Elle est avide de lecture. Elle est curieuse de tout. C'est vraiment une enfant surdouée. Alors, pourtant, Virginia Woolf croit savoir, en tous les cas, qu'elle était destinée dès sa prime jeunesse à organiser très vite quelque chose comme un cercle de couture. Or, là, vous nous faites le portrait quand même d'une femme extrêmement éduquée qui a eu finalement la chance de pouvoir s'extraire un tout petit peu des tâches et des emplois du temps qu'on assignait aux femmes à l'époque, aux jeunes filles. Oui. Elle tenait aussi la maison lorsque sa mère est morte. Elle a tenu également la maison pour son père et pour son frère. Hein, mais elle a été envoyée près de Coventry pour suivre des études et à la mort de son père, de sa mère. Donc elle a à peu près 16 ans, quelque chose comme ça. En fait, on sait peu de choses sur sa mère, d'ailleurs, et sur la relation qu'elle pouvait avoir. On ne sait pas, à vrai dire, on ne sait pas trop. Il y a plusieurs critiques qui sont parues récemment et qui s'aventurent dans des terrains un peu en avançant l'idée que sa mère aurait été alcoolique. Mais enfin bon, ça vraiment, c'est tout à fait, ce sont des suppositions, on n'en sait pas trop à vrai dire. Et comme elle sur la relation avec sa mère, elle n'en parle pas beaucoup dans ses journaux. C'est quelque chose qui est assez difficile à cerner. Et dans les livres, est-ce qu'il y a des personnages de mère intéressants? Il y a beaucoup de personnages de mère. Il y a des personnages de mère intéressants, mais il y aurait beaucoup à dire sur la relation mère-fille, la relation la mère, cette relation mère-fille, la figure de la maternité de la mère dans les romans, c'est assez complexe. Que vous pourriez caractériser, même si c'est sûrement difficile à résumer comme ça d'un trait. C'est difficile, mais George Eliot n'a pas eu d'enfant elle-même, mais en même temps, elle disait que elle considère peut-être aussi ses romans comme ses propres ses créations, ses propres enfants. Elle a eu des beaux-fils, donc c'est une relation assez ambivalente. Ouais. Alors on la décrit jeune comme une espèce de créature sans amarre en quête de rapport spirituel. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier? C'est une adolescente un petit peu éthérée comme ça? Elle ressemble au personnage de Maggie Tullivan dans sa période de mysticisme religieux, d'exaltation religieuse. Elle a une période, elle a traversé une période de grande ferveur religieuse. Et assez proche du renoncement à tout plaisir, hein, donc une sorte de mysticisme, une grande piété, hein, à une tel sorte point de crise mystique. Que c'est un petit peu étrange comme anecdote. Un jour, elle renonce à un projet d'aller écouter un oratorio parce qu'elle n'arrive pas à se décider pour savoir si c'est juste et légitime d'exhiber comme ça son talent comme le font les musiciens. Oui, de la même façon que son héroïne, Maggie Tulliver, va renoncer à la lecture, veut renoncer à la lecture parce que ça, c'est trop, ça s'approche trop de quelque chose qui est de l'ordre du plaisir. Hein. Et donc, il faut renoncer à ses plaisirs. Voilà. Donc, c'est une forme de puritanisme. Oui, c'est une forme de puritanisme. Mais qui va s'assouplir au fur et à mesure sa vie. Oui, bien sûr. Qui va s'assouplir à tel point qu'à l'âge de 19 ans, à la suite de la rencontre avec des amis, un cercle d'amis à Coventry, elle va soudainement refuser d'accompagner son père à l'église. Ouais. Et elle traverse une sorte de crise de la foi qui lui fait prendre conscience que qu'elle ne veut plus suivre les dogmes prêchés par le christianisme, et elle se rebelle et elle refuse d'accompagner son père à l'église, qui est un acte de rébellion intense. Visiblement destinée dès sa prime jeunesse à ne pas manquer d'organiser très vite quelque chose comme un cercle de couture, elle se mit en devoir de recueillir des fonds pour la restauration d'une église en composant un tableau de l'histoire ecclésiastique. Mais ensuite vint une perte de la foi qui perturba son père au point qu'il refusa de la garder sous son toit. Puis ce fut la bataille pour traduire Strauss, déjà lugubre et abrutissante pour l'âme, et qui ne put guère manquer d'être rendue encore plus pénible par les tâches féminines habituelles, consistant à tenir une maison et à soigner un père mourant. On observe une détermination opiniâtre dans son assaut contre la citadelle de la culture qui la situe au-dessus de la pitié. Elle se développa de façon très lente et gauche, mais elle fut soutenue par l'élan irrésistible d'une ambition noble et profondément ancrée en elle. Tous les obstacles finirent par être écartés de son chemin. Elle connaissait tout le monde, elle lisait tout. Sa stupéfiante vitalité intellectuelle avait triomphé. Sa jeunesse avait pris fin, mais cette jeunesse avait été peuplée de souffrances. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors, une jeunesse peuplée de souffrances, disait dans ce même texte Virginia Woolf, lu cette fois par Vanda Beness, mais aussi une jeunesse où elle arrive à sortir de son milieu, de l'emprise peut-être de sa famille, pour rencontrer un certain nombre de gens. Et il faut dire qu'elle a beaucoup d'amis, qu'elle recherche finalement la compagnie, et en particulier la compagnie des intellectuels qu'elle peut trouver, Stéphanie Richer-Drouet. Oui, à Coventry, elle va pénétrer dans un cercle d'amis. Elle va rencontrer deux familles, en l'occurrence. La famille Bray, de Charles Bray, avec qui elle se lie d'amitié. Alors c'est un fabricant de rubans. Un riche fabricant de rubans. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est non seulement il est riche, mais c'est un libre penseur. C'est une famille de radicaux, c'est-à-dire que ce sont des réformistes, révolutionnaires, en quelque sorte. Comme dans Hold the Radical, dans Félix le Radical, un des romans de notamment George sur le plan religieux. Ils sont réformistes également sur le plan religieux. Et donc, elle va faire la rencontre de cette famille et d'une autre famille qui lui est liée par des liens familiaux. C'est la famille Hennel. Et elle, évidemment, c'est un cercle qui va lui permettre de s'ouvrir sur un autre monde qu'elle ne connaissait pas, sur des nouvelles idées intellectuelles, religieuses, où elle va rencontrer aussi le futur éditeur Chapman, par exemple. Oui, parce que tous ces gens écrivent des livres, et notamment alors Charles Hennell, que vous citiez à l'instant, enfin vous parliez de la famille Hennell, lui écrit sur le christianisme, par exemple. Voilà, et à travers, par l'entremise de ces deux familles, elle va publier une première traduction, qui est une traduction d'un ouvrage de l'allemand, d'un théologien allemand qui s'appelle Strauss, qui était mentionné dans le texte qu'on a écouté, qui s'appelle « La vie de Jésus », en français « Das Leben Jesu », qu'elle traduit de l'allemand et qu'elle publie en 1846. Alors c'est un ouvrage, il faut savoir que c'est un ouvrage assez subversif qui remet en cause les dogmes fondamentaux de la religion chrétienne. C'est ardu, on prend là toute la portée intellectuelle de la tâche, être capable de traduire un ouvrage aussi ardu en anglais. Surtout qu'elle est encore très jeune, elle n'est pas très loin du mysticisme que vous nous avez décrit. Exactement, donc il y a une sorte de retournement assez frappant là dans sa façon de penser. C'est traduire cet ouvrage qui démythifie le christianisme et qui remet en cause des dogmes comme les miracles, par exemple. Voilà. Et d'ailleurs, Charles Hennell, lui, entend étudier la vie de Jésus, mais avec des termes strictement historiques. Donc on voilà. Sent bien aussi qu'il y a là une volonté... Remettre en question tout le côté surnaturel des récits bibliques. Et elle va publier cette première traduction. Alors elle la publie de façon anonyme. Il n'y a pas de nom sur la première page. C'est publié pour quelle raison anonyme. Elle est jeune, sans doute, et donc ça n'apporterait sans doute qu'on ne lui a pas non plus demandé de mettre son nom. Peut-être de mettre son nom sur la première page. Elle le fera par la suite. Alors, la mort de son père intervient en 1849. Elle a quoi, à peu près une trentaine d'années peut-être ? Elle a 30 ans. Elle est née en 1819. Elle est née la même année que celle qui deviendra la reine Victoria. Donc elle a traversé vraiment tout le siècle, tout le 19e siècle. Donc à la mort de son père, elle a 30 ans. Donc elle a du chagrin, mais enfin c'est aussi une forme de délivrance. Oui. Elle va choisir une forme d'indépendance. Elle va refuser d'aller vivre chez son frère alors qu'elle était célibataire. Donc elle aurait pu aller vivre chez son frère, ce qu'elle refuse. Elle entend être indépendante, même si, bon, financièrement, elle est relativement à l'aise. Elle a hérité d'une certaine somme de son père qui lui a laissé une somme appréciable, mais elle n'est pas non plus à l'abri. Il faut qu'elle travaille. Elle ne veut pas devenir gouvernante comme le faisaient la plupart des jeunes filles dans sa situation à l'époque. Et elle choisit de partir à Londres. Et là, c'est la première... Alors, il y a eu cette première rupture lorsqu'elle refuse d'accompagner son père à l'église. Et la deuxième rupture, c'est lorsqu'elle quitte sa région chère, si chère, et qu'elle part pour Londres. Extrait de la fantaisie en do de Schumann, interprété par Catherine Collard. Vous savez pourquoi je vous fais écouter cette musique, Stéphanie Richer-Drouet? C'est évidemment parce que... Sans doute parce qu'elle jouait très bien du piano. Elle jouait très bien du piano et elle était capable apparemment de jouer ce morceau-là en particulier, ce qui n'est quand même pas rien. Elle n'avait plus d'un don. Elle avait plus d'un don et puis il y avait quand même une forme de sensualité évidemment qui existait chez elle, oui. Et notamment qui se traduisait par le rapport à la musique. Alors, découvrir Londres, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est que cette rupture, finalement? Alors, elle découvre Londres, elle a rencontré son éditeur, John Chapman, et elle part Elle part vivre chez lui. Elle est hébergée par son éditeur et elle va devenir sa collaboratrice à la Westminster Review. C'est un organe de presse radical, hein, réformiste, et elle va devenir son assistante. Elle va devenir sa une assistante qui a beaucoup de poids quand même. Ah oui, qui publie beaucoup, qui publie des essais, qui publie des comptes rendus, qui publie des essais, des comptes rendus littéraires, des essais scientifiques. Enfin, elle publie beaucoup de choses. Donc elle se lance, elle part entamer une carrière de journalisme dans le journalisme littéraire pour le compte de John Chapman. Et tout ça lui permet de rencontrer un certain nombre de gens. Et tout ça John lui Stuart permet Mill, évidemment de rencontrer tout ce que Londres compte d'intelligentsia à l'époque, des philosophes, des scientifiques, Spencer, Mill. Lewis par la suite. Donc c'est un milieu fascinant pour elle, même si elle reste, on lit beaucoup qu'elle reste, elle reste assez en retrait hein, lorsque tout ce beau monde se réunit. C'est toujours cette même timidité. Mais sans doute cette timidité maladive, mais évidemment pour elle c'est une grande chance, ça lui permet de se frotter à des esprits brillants et d'élargir ses champs de connaissances. Alors là elle se rebaptise, mais c'est pas encore le nom de George Eliot qu'elle choisit. Non, elle s'appelle toujours, elle s'appelait Mary Ann Evans et elle se rebaptise Marion Evans, M-A-R-I-A-N, en un seul mot. Et elle publie sous ce nom une deuxième traduction, toujours d'un ouvrage allemand, qui est cette fois-ci une traduction de Feuerbach, L'essence de la chrétienté, toujours un ouvrage religieux. Et là encore, hein, c'est un ouvrage religieux critique qui sape les fondements de la religion chrétienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un ouvrage qui adopte un point de vue très humaniste. Et ça va beaucoup l'influencer, parce qu'elle-même sera une grande humaniste. Elle replace l'homme au centre de sa fiction, de sa pensée, qui élabore une véritable religion de l'humanité. Elle entend fouiller la complexité humaine. Et Feuerbach aura une grande influence sur sa pensée. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, Herbert Spencer, dont elle s'éprend, la refuse, la rejette, parce qu'il la trouve maladivement intellectuelle. Oui, et l'aide. Mais c'est pas grave, parce qu'elle va rencontrer George Henry Lewis. Oui, alors sa vie personnelle a tout de même été, elle a subi plusieurs refus, elle a une vie personnelle un petit peu difficile, puisqu'elle, lorsqu'elle est arrivée chez les Chapman, le roman le raconte, hein, elle fait irruption dans un trio amoureux. Chapman a une maîtresse qui n'est autre que la gouvernante de ses enfants et Chapman et Marianne, enfin on ne sait pas exactement, mais lui fait des avances et elle doit quitter précipitamment le domicile de Chapman. Bref, c'est difficile. Les relations amoureuses sont difficiles. Et elle rencontre, dans ce cercle d'intellectuels qu'elle fréquente à Londres, elle va faire la rencontre de sa vie. Alors là, c'est vrai que c'est une assez belle histoire d'amour, parce que ça va durer jusqu'à la mort, jusqu'à sa mort à lui. C'est une grande histoire d'amour, c'est une union extrêmement heureuse, équilibrée aussi. Ce qui est assez étonnant pour le 19e siècle. Parce que c'est un intellectuel, lui aussi. Oui, c'est un intellectuel, c'est un homme aux talents multiples, hein, George Henry Lewis. C'est un homme de théâtre, c'est un critique de théâtre, c'est un philosophe, c'est un écrivain, mais aussi un biologiste, un scientifique. C'est un homme aux multiples talents, c'est un esprit brillant, il est drôle, hein, il est laid, comme elle. Il est très laid, il est marqué par la petite vérole également. Il est réputé pour être laid. D'ailleurs, il a été abandonné par sa femme. Il vit dans une situation maritale un peu particulière. Il a eu trois enfants avec sa femme et il a reconnu les enfants adultérins que sa femme a eu avec son ami Hunt. Et il a reconnu ses enfants adultérins. Donc il est en fait Louis est tenu pour un libre penseur, c'est un libre penseur, et pour un adepte du mariage libre. Mais là où c'est quelque chose qui se retourne un petit peu contre lui, c'est que au moment où il souhaite du coup, se mettre en ménage avec George Eliot, la bien-pensance sans doute va considérer que c'est impossible parce qu'il est déjà marié, alors qu'au fond il est assez victime finalement dans son mariage. Et il est d'autant plus victime qu'il ne peut pas divorcer, il ne peut pas demander un divorce. D'abord parce qu'à l'époque, bon, les divorces étaient sans doute moins courants, moins communs et plus difficiles à obtenir. Mais l'autre raison, c'est que, étant donné qu'il avait reconnu les enfants adultérins de sa femme, il avait, pour ainsi dire, accepté la liaison de sa femme avec son amant, et donc il ne pouvait plus demander de divorce. Et ils se sont retrouvés dans une situation assez inextricable. Oui. George Eliot et George Henry Lewis ont vécu comme mari et femme, mais ils n'ont jamais été mariés officiellement, légalement, donc évidemment scandale dans la bonne société victorienne. Donc ça pourrait être anecdotique, mais en fait ça ne l'est pas du tout, parce que la future George Eliot vit du coup comme une paria. Exactement, c'est une femme déchue. Elle est ostracisée par la bonne société. Il s'enfuit tout d'abord quelques mois sur le continent, en Allemagne. Ils vont passer quelques mois, revenir ensuite en Angleterre. Et elle va perdre des amis, elle va être jugée de façon très sévère par la bonne société victorienne qui la considère comme une femme déchue. Et surtout, elle est rejetée par sa famille et par son frère qui ne la reverra plus jusqu'à la fin de ses jours. Alors justement, parlons un petit peu de ce frère. Vous avez déjà évoqué Isaac en début d'émission et vous avez dit à quel point on pouvait retrouver dans Le Moulin sur la Flosse, ce roman de George Eliot, les relations entre elle et lui. Je vous propose d'écouter justement un extrait, toujours lu par Vanda Bénès, du Moulin sur la Flosse, où on entend précisément ces relations entre frères et sœurs. Bon, écoute-moi Maggie, je vais te dire ce que je pense. Tu vas toujours aux extrêmes. Tu n'as ni jugement ni maîtrise de toi. Malgré cela, tu penses que tu sais mieux que les autres et tu refuses de te laisser guider. Tu le sais, je ne voulais pas que tu prennes une place. Je voulais que ma sœur soit une demoiselle et j'aurais toujours pris soin de toi, comme papa le désirait, jusqu'à ce que tu fasses un bon mariage. Mais tes idées ne s'accordent jamais avec les miennes et tu ne veux pas céder. Pourtant, tu devrais avoir assez de bon sens pour voir qu'un frère qui va dans le monde et se mêle aux hommes, c'est nécessairement mieux que sa sœur, ce qui est convenable et honorable pour elle. Oui, je sais, mon cher Tom, dit Maggie. Je sais que tu ferais beaucoup pour moi, je sais à quel point tu travailles sans épargner ta peine. Je t'en suis reconnaissante. Mais en fait, tu ne peux pas juger à ma place. Nos personnalités sont très différentes. Tu ne peux pas savoir à quel point les choses me touchent autrement que toi. Si, je le sais. Je le sais trop bien. Je sais que tu as sûrement ressenti différemment tout ce qui affecte notre famille et ton honneur de jeune femme avant de penser à recevoir en secret les avances de Philip Wakeham. C'est un moment d'humiliation pour George Eliot et en même temps, ça lui permet de se rebeller, ça lui permet peut-être de devenir l'écrivaine qu'elle va devenir. Oui, sans doute, ça lui permet de s'affirmer en tant qu'égale de George Henry Lewis. Elle revendique, elle veut absolument qu'on l'appelle Mrs. Lewis. Elle va signer... Marianne Evans Lewis, et elle se fâche très fort lorsqu'on continue à l'appeler par son nom de jeune fille, donc elle revendique cette identité. À ses yeux, c'est vraiment un mariage. Enfin, je dis mariage, mais c'est une union qui est sacrée à ses yeux. C'est vraiment une relation très forte qui les unit, qui est fondée sur des principes de réciprocité, de confiance. Et d'honnêteté, c'est quelqu'un de profondément honnête. C'est pour ça aussi qu'elle avait refusé d'accompagner son père à l'église alors qu'elle ne croyait plus elle-même. Mm-hmm. C'est quelqu'un de profondément honnête. Mais évidemment, elle doit s'affirmer. Elle en souffre énormément de toutes ces ruptures. Lorsque son compagnon Lewis est invité dans la bonne société, elle n'est pas invitée. Elle reste chez elle et elle attend son retour. Donc c'est quelque chose qui va la l'a blessée profondément, mais elle est à la fois très forte et très, très vulnérable. Et ça va sans doute renforcer sa détermination également. Alors l'écriture vient comment? Parce que ça vient assez tard, hein, vous l'avez dit. Elle va publier seulement à 40 ans son oui. premier roman, Adam Bede, on dit Bede, Adam Bede. Adam Bede. Oui. Mais oui. elle écrit plus tôt quand même. Elle écrit plus tôt. Elle a 37 ans quand elle commence à écrire de la fiction. Elle est encouragée par son compagnon, par Louis. C'est véritablement lui qui croit en elle et qui l'encourage, qui la soutient. Il va la soutenir, il va l'encourager tout au long de sa vie. Elle traverse des périodes d'intense dépression, elle traverse des périodes de découragement. Elle ne croit pas en elle. Et lui va lui servir d'écran, va lui servir de filtre. Il va même aller jusqu'à filtrer les mauvaises critiques pour ne pas qu'elle les lise, pour ne pas qu'elle se décourage. C'est très émouvant en même temps de voir cette relation qu'ils ont qui est si forte, et c'est véritablement grâce à lui qu'elle va il croit en elle et il va l'encourager à écrire. Elle va commencer par publier des nouvelles. Alors la conversion de Jeanne, c'est ça? Janet, oui, Redemption, la rédemption, la rédemption de Janet Dempster. Ce sont les scènes de la vie du clergé, scènes de la vie, Scenes of Clerical Life. Donc elle publie ses premières nouvelles et elle les publie sous un nom de plume. Voilà, George Eliot. George Eliot. Alors pourquoi ce nom? Alors pourquoi George Eliot? Alors plusieurs hypothèses. George, c'est le prénom de son compagnon. Ça pourrait être un moyen de lui rendre hommage d'une certaine façon. Et puis, on pense peut-être à la même époque à une autre femme écrivain qui est George Sand. George Sand en français, évidemment. Qu'elle connaissait, qu'elle appréciait. George Henry Lewis l'a rencontré, d'ailleurs. Donc, il se peut qu'elle ait aussi choisi ce prénom. En référence ou en hommage à cette écrivaine française. Oui. Adam Bede, c'est donc son premier roman. Faut dire que c'est un roman qui va avoir un succès assez extraordinaire dès le départ. Oui. Stéphanie Richer-Drouet. Oui. Et ses nouvelles avaient déjà eu beaucoup de succès. Les premières nouvelles qu'elle a publiées avaient déjà eu beaucoup de succès et tout le monde essayait de deviner qui se cachait derrière ce fameux George Eliot, dont beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un homme et beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un homme religieux, d'un prêtre ou d'un pasteur, pardon. Et elle publie son deuxième roman, Adam Bede, qui connaît un succès prodigieux. Alors Dickens, Sacré, Le Salut au passage. Oui, Dickens soupçonne qu'il s'agit d'une femme qui a écrit ce roman. Hein. Et après, avec Le Moulin sur la Flosse, il n'y aura plus d'ambiguïté. Non, sur... elle révèle son identité. Elle révèle qui se cache derrière ce pseudonyme, hein, et elle révèle qu'il s'agit en ce qui crée le choc parmi son lectorat et parmi la bonne société anglaise, qui prend soudain conscience que derrière cet auteur assez moralisateur et se cache en fait une femme qui vit dans une situation de péché. Après Adam Bede, il y a aussi un changement dans la vie de George Eliot et de son compagnon, c'est que tous deux, grâce à elle, deviennent riches. Oui. Et là, donc la vie n'est plus la même tout d'un coup. Non, ils vont déménager à plusieurs reprises, ils deviennent riches. Et ils vont recevoir également, alors au fur et à mesure du succès, elle va finir par être acceptée par la bonne société anglaise. Ils vont organiser des dimanches littéraires où ils vont recevoir du beau monde, hein, et puis des sortes de salons littéraires en quelque sorte. Et en effet, elle va vivre dans une certaine aisance. Donc parmi les invités, il doit y avoir Edward Burne-Jones, le peintre. Oui. Mais il y a aussi probablement Henry James, oui. Dont ils deviennent... Enfin, assez proche, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, ils se fréquentent relativement fréquemment, oui, ils deviennent assez proches. Ils font des voyages, oui. Ils vont en Italie. Mm-hmm. Ils vont en Italie, elle voyage beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Elle a voyagé beaucoup en Allemagne, en Suisse, en Italie. Ça va servir d'ailleurs de base à un de ses romans qui se situe en Italie, qui s'appelle Romola, qui est une fresque historique, qui se déroule à Florence. c'est un des romans qui contrairement à ses autres romans, ne se situe pas dans les lieux de son enfance, mais quasiment dans l'époque contemporaine ou juste avant, mais dans la Florence de la Renaissance. Donc il y a un gros travail historique, oui, et de recherche historique, on beaucoup, en parlera beaucoup probablement. Beaucoup d'érudition, beaucoup de recherche historique. Au cours de cette semaine. Mmh. Alors on a parlé de Henry James, on a mentionné son nom, on a dit qu'ils avaient voyagé ensemble en Italie, c'est peut-être le moment du coup d'écouter un extrait des Heures italiennes, écrit justement par Henry James, qui doit pouvoir donner un petit peu l'atmosphère de leur voyage. Venise. C'est un grand plaisir d'écrire ce mot. Mais je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas quelque impudence à prétendre y ajouter quoi que ce soit. Venise a été peinte et décrite plusieurs milliers de fois, et de toutes les cités du monde, elle est la plus facile à visiter sans qu'il soit besoin d'y aller. Ouvrez le premier livre, il lui consacre un dithyrambe. Entrez chez le premier marchand de tableaux, vous en verrez trois ou quatre vues coloriées. Il n'y a notoirement rien de plus à dire sur le sujet. Tout le monde y est allé et tout le monde en a rapporté une collection de photographies. Le Grand Canal a aussi peu de mystère que la rue voisine et le nom de Saint-Marc est aussi familier que la sonnette du facteur. Il n'est pas interdit cependant de parler de choses familières, et j'estime que pour le véritable amoureux de Venise, Venise ne cesse d'être à l'ordre du jour. Il n'y a certainement rien de neuf à en dire, mais le vieux vaut mieux que toute nouveauté. J'écris ces lignes dans la pleine conscience de n'avoir à offrir aucune information d'aucune sorte. Je n'ai pas l'ambition d'éclairer le lecteur, je ne prétends qu'à donner un coup de fouet à sa mémoire. Et je considère comme suffisamment justifié tout écrivain qui lui-même est amoureux de son thème. Une lecture toujours par Manuela Morgène. Alors, il y a une autre famille qui est très importante et dont il faut parler, une famille d'amis de George Eliot et son mari, c'est la famille Cross. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette famille Cross très importante, Stéphanie Richer-Drouet? Oui, alors la famille Cross, c'est une famille qu'ils ont beaucoup côtoyée. Johnny Cross est un banquier, un jeune banquier, et il va leur servir de conseiller financier. Alors, en quelque Johnny sorte. Cross, c'est le fils déjà. C'est le fils, oui, oui, oui. C'est elle avec d'abord les parents. Elle rencontre d'abord la mère surtout, hein, la mère de Johnny Cross, et ensuite le fils, donc ils se fréquentent beaucoup, et le fils Johnny Cross va devenir leur ce qui correspond maintenant à leur conseiller financier, puisque vous avez mentionné le fait qu'elle gagne beaucoup d'argent, elle a de l'argent à gérer, et donc il va les conseiller. Donc il n'est pas du tout littéraire, lui? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est un banquier. Il n'est pas du tout littéraire, et c'est peut-être justement cet écart qui va provoquer des malentendus entre eux, mais non, c'était pas lui, il a beau ne pas être littéraire, il est totalement fasciné. Ah, il est totalement fasciné, il est sous le charme, et puis elle va lui apprendre, elle va lui faire lire du Dante, elle va lui faire lire des textes très très compliqués. Alors il paraît qu'il insiste sur les moments où il y a des allusions aux adultères chez Dante, et qu'il lui fait des clins d'œil un peu appuyés. C'est une relation assez ambiguë, en effet. Et leur relation va évidemment prendre une tournure toute différente à la mort du compagnon de George Eliot, George Henry Lewis. Hein, et c'est après la mort de son compagnon que George Eliot, donc en 1878, qu'elle va à nouveau provoquer le scandale en épousant. En première véritable noce, finalement. Ouais. Ce jeune banquier, il est de 20 ans son cadet. Elle a 60 ans, il en a 40. Et elle va l'épouser. Alors, ils repartent à Venise, justement, pour le voyage de noces. Ils repartent à Venise, voilà, l'allusion à Venise était finalement bien choisie. Ils repartent à Venise en voyage de noces. Le roman de... O'Shaughnessy insiste beaucoup sur cet épisode, hein, développe beaucoup cet épisode de la rencontre entre George Eliot et Johnny Cross, hein, le développement de leur relation, leur lune de miel désastreuse. Oui, alors on a l'impression qu'elle n'aime plus tellement Venise. Au cours de leur lune de miel à Venise, il se passe un événement, un épisode qui est somme toute assez mélodramatique quasiment. Son jeune époux se jette dans le Grand Canal. Il ne meurt pas, hein. Il est recueilli, il est sauvé, ranimé, et il retourne ensuite en Angleterre. Mais c'est un épisode qui surprend beaucoup, enfin qui étonne beaucoup dans la vie de George Eliot. Et c'est une zone d'ombre en fait. Alors O'Shaughnessy avance certaines hypothèses. Est-ce que c'est dû à la chaleur? Est-ce qu'il aurait fait un malaise dû à la chaleur? Est-ce qu'il aurait été épuisé physiquement, psychiquement? Elle suggère aussi ce que l'on disait juste avant, c'est peut-être ce fossé intellectuel entre les deux personnage, hein, entre George Eliot qui est extrêmement qui le sollicite beaucoup, qui lui fait lire du Dante et qui exerce peut-être une forme de pression intellectuelle sur Johnny Cross, qui finalement n'était pas un intellectuel, hein, mais qui lui vouait une vénération sans borne. Donc ça ne pouvait pas finalement fonctionner. Elle ne lui survit. Elle ne lui survit que de quelques mois, un an, je crois. Donc à son précédent, à Lewis. Hein. Voilà, puisque un an après la rencontre finalement avec Johnny Cross. Voilà, c'est ça. Elle décède. Oui, un an après la rencontre avec Johnny Cross. Donc c'est une zone d'ombre en fait. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et O'Shaughnessy en profite pour broder en quelque sorte sur cet épisode mélodramatique dans son roman. En tous les cas, la rencontre avec les parents, en l'occurrence la famille Cross, a été importante aussi dans leurs discussions, parce qu'ils vont assez loin dans les conversations sur la parité entre les hommes et les femmes, sur la contraception, ce qui quand même paraît très très avant-gardiste. Oui, George Eliot et Lewis ont choisi de ne pas avoir d'enfants. Il avait déjà des enfants. Elle leur a servi de belle-mère. Elle les appelait ses fils. Hein. Et ils ont choisi de ne pas avoir d'enfants et en effet c'était assez moderne et elle disait à ses amis et étant donné que Lewis était un scientifique, ils utilisaient des moyens contraceptifs dans ce sens. Donc c'est assez en effet avant-gardiste, je pense qu'elle ne souhaitait pas avoir d'enfants. Mmh. Grand succès, même après sa mort, des livres de George Eliot, on l'a dit. Lewis avait d'ailleurs sa propre théorie sur les succès de Marianne. Vous n'avez pas ça en tête. Il disait qu'elle avait composé un tableau tellement véridique que les lecteurs s'y étaient reconnus. Ça vous semble juste ? Les lecteurs ne peuvent manquer de se reconnaître dans les romans de George Eliot. C'est tellement d'une richesse infinie et il y a toujours tellement à découvrir et la profondeur psychologique de ces peintures, de ces personnages est tellement vaste qu'on ne peut pas manquer de s'y reconnaître. On a toujours à découvrir quand on lit George Eliot. On n'a jamais terminé de découvrir George Eliot. D'ailleurs, tout n'est pas traduit en français. Tout n'est pas traduit en français. Alain Jumeau a traduit plusieurs de ses romans. Il y en a un certain nombre, notamment les derniers essais qui datent d'un an avant sa mort. Elle avait publié ce recueil, voilà, ça n'a pas été traduit en français. Essais ou romans, pour elle, c'était finalement deux manières différentes mais complémentaires de s'exprimer. Oui, sans doute, et puis cela tenait sans doute à ses années de formation également. Hein. Elle a toujours écrit... des essais, elle avait une pensée philosophique et artistique, esthétique très très très très forte. Et dans ses essais, les essais permettent d'articuler de sa pensée avec ses romans, sa fiction, de faire le va-et-vient entre les deux et d'expliciter sa pensée esthétique. C'est tout de même un esprit très très vif, très fin, très intellectuel, et donc les essais correspondent bien à sa manière de penser. Alors, elle est enterrée au cimetière de Highgate à Londres, aux côtés de George Henry Lewis. C'est difficile à dire au bout de la cinquième ou sixième fois. Après qu'une sépulture dans le coin des poètes de l'abbaye de Westminster lui a été refusée. Ça dit beaucoup aussi de la manière dont, malheureusement, elle n'a pas été reconnue tout de suite. Merci beaucoup, Stéphanie Richer-Drouet. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en littérature à l'université Lille 3, spécialiste de George Eliot, à qui vous avez consacré votre thèse. On s'est également servi pour préparer cette émission du livre Une passion pour George Eliot de Cathy O'Shaughnessy, traduit par Pierre Guglielmina et qui vient de paraître aux éditions de Fallois. Tout de suite, c'est en compagnie des revues. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et aujourd'hui en compagnie de vous, Guillaume Périlliou, journaliste littéraire au magazine Têtu. Bonjour Guillaume. Bonjour Mathieu. Alors vous nous parlez aujourd'hui du roman Trouve-moi, c'est le prochain livre de l'écrivain américain André Assiman. Et c'est la suite très attendue de ses lecteurs de Call Me By Your Name. Alors bien plus de gens aujourd'hui l'ont vu à l'écran, l'adaptation sortie en salle il y a 3 ans en France. Un film signé du réalisateur italien Luca Guadagnino et dont le scénario fut écrit par James Ivory, Oscar de la meilleure adaptation. Call Me By Your Name avait initialement paru chez nous en France aux éditions de l'Olivier sous le titre Plus tard ou jamais, c'était en 2008. L'histoire devenue culte d'Elio, adolescent en vacances avec sa famille dans une villa de Lombardie près de la mer, dans une ville que l'on devine être Bordighera. Elio, ses parents et sa sœur sont rejoints au cours de cet été frappé de chaleur par Oliver, doctorant de son père, universitaire américain. Le jeune Elio tombe instantanément amoureux de ce jeune prof de philosophie sexy, ténébreux et mystérieux. Un livre fait de silence et de timidité. Un roman d'apprentissage, on le refermait sur l'été qui s'éteint et sur les corps qui s'éloignent. Assiman avait il y a quelques années déjà tenté d'écrire une suite donc à ces personnages qu'il aime et qui l'accompagnent depuis. Mais alors est-ce à cause du succès mondial de l'adaptation qui révéla Timothée Chalamet? Est-ce la pression devenue trop forte face aux attentes? L'écrivain n'aimait pas ce qu'il écrivait, il butait la suite d'une œuvre à laquelle tant de jeunes hommes et de jeunes femmes s'étaient identifiés semblait trop compliqué. Call Me By Your Name s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires dans le monde. Et puis, il y a eu un voyage en train, un jour en Italie, le pays de cœur de l'auteur où il vécut adolescent. Une femme monte à bord de ce train et s'assoit à côté d'Assiman. Ils engagent alors une conversation, point de départ de ce qui est devenu cette suite qui en surprendra plus d'un. La première partie ne concerne non pas les deux protagonistes du précédent roman, mais le père d'Elio, à l'importance capitale dans le premier livre, un père instruit et ouvert d'esprit qui poussa son fils à assumer ses désirs. Alors une genèse du livre que Assiman justement vous raconte, Guillaume, dans le prochain numéro de Têtu, apparaître bientôt. Oui, l'écrivain nous raconte aussi pourquoi, alors que l'action de ses livres se déroule des années 80 à 2000, il est un grand absent finalement de son œuvre, c'est le sida. Cela peut paraître frappant, tant évidemment une relation entre deux hommes à cette époque ne pouvait être étrangère du mal qui décimait ce qui l'attrapait. C'est qu'Assiman voulait une histoire sans tragédie. Je voulais donner l'aperçu d'un amour vrai, nous dit-il. Et ce, pardonnez-moi, sans les images qui l'accompagnent souvent. Et c'est ce qu'il y a peut-être de plus ambitieux en littérature, écrire un amour universel. Un pari risqué mais gagné haut la main par Assiman, aujourd'hui prof de littérature comparée à New York. Il y a enseigné Proust, sa lenteur, ses phrases qui n'en finissent pas et qui lui ont donné l'envie d'écrire dès son plus jeune âge. On retrouve dans ses textes la même obsession, des pensées décortiquées, peu de descriptions physiques ou de lieux, mais un élan heureux. Assiman, marié à une avocate et père de 3 enfants, aujourd'hui avait connu lui aussi enfant, un amour pour un autre garçon. À 9 ans, nous dit Assiman, le jeune André tomba amoureux d'un adolescent de 17 ans, un amour platonique dont il a gardé le goût du fantasme et qui a sans doute participé à faire de lui ce subtil écrivain du souvenir. En tout cas, on peut sans doute en apprendre davantage en lisant la longue interview que André Assiman vous a donc accordée dans le magazine Têtu et qui est à retrouver dans le prochain numéro. Merci beaucoup, Guillaume Périlliou. À très bientôt. C'est c'était La Compagnie des auteurs, une émission de Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Romain Billet et Élise Leu. Notre semaine George Eliot, elle se poursuit demain. Ce sera avec Alain Jumeau qui viendra nous parler de ses principaux romans et de l'introduction qu'il leur a donnée à la Pléiade.